Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, passionniste. Ouvrage traduit de l'italien, Maria Loggia, par François Labi, docteur en théologie, chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai, professeur de théologie au séminaire de Tournai, tome 1er, édition Casterman, 1856, markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Première partie, Excellence de Marie. Premier traité, Marie considérée dans les figures qui l'ont annoncée sous l'Ancien Testament. Le Seigneur a coutume de préluder aux grands événements, spécialement à ceux qui sont de nature à intéresser tout le genre humain, par certains signes qui en donnent une connaissance anticipée. Par là il entretient la foi et l'espérance dans le cœur des hommes, toujours portés à se laisser abattre par la défiance et la crainte. C'est ce qu'il a fait, lorsqu'il s'agissait d'envoyer sur la terre son divin Fils, pour racheter les hommes, réparer les pertes causées par notre premier père Adam, et délivrer le genre humain de l'esclavage du démon. Aussitôt, en effet, que le péché fut entré dans le monde, Dieu, comme un père plein de tendresse, permit à sa miséricorde d'arrêter les traits de sa justice, tout en exilant nos premiers parents du séjour délicieux où il les avait placés. Il leur laissa une précieuse consolation dans la promesse d'un libérateur. Cette promesse, il la renouvelait de temps en temps aux patriarches de l'Ancien Testament. Et non content de cela, il mettait sans cesse sous leurs yeux, dans la suite des siècles, afin d'alimenter leur foi et leur espérance, des objets qui le figuraient de diverses manières. Il coordonnait même à cette fin des événements qui pourraient paraître à la première vue des effets du hasard. Tout, en un mot, si nous en croyons saint Augustin, tout ce que disaient les prophètes, tout ce qui arrivait, tout ce qui est écrit dans les livres sacrés, a rapport au Messie promis, contre Faust livre 12e. Nous ne devons pas nous étonner que ce Dieu infiniment sage en ait agi de même en ce qui concerne Marie, qu'il avait résolu de nous donner pour mère, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté d'en faire la promesse à notre premier père, lorsqu'il dit au serpent, en présence d'Adam lui-même, Genèse 3, 15, « Je mettrai une inimitié irréconciliable entre toi et la femme. » Mais il a voulu de plus qu'elle fût annoncée au monde par un grand nombre de signes et de personnages qui tous représentaient aux yeux des vrais croyants, les uns d'une manière, les autres d'une autre, les prérogatives sublimes de cette auguste reine. Non, je ne m'étonne pas de lire dans Saint-Ildefonse ces paroles, Marie est l'objet auquel se rapportent toutes les prédictions des prophètes, toutes les énigmes des saintes écritures, sermon premier, in assumption. Je ne m'étonne pas de trouver dans saint Bernard, c'est de Marie que parlent toutes les saintes écritures, et c'est pour signifier Marie qu'elles ont été inspirées, sermon in salve regina, à cause de cela, le monde entier a été créé, ibidem, ajoute saint Bernard, c'est pour Marie, comme fin secondaire, que l'univers entier a été créé. Il doit donc se trouver dans cet univers bien des choses qui portent les marques de sa domination. Cela posé, il nous reste à rechercher en quoi et comment Marie nous a été figurée, afin qu'à l'aide de ces figures nous puissions nous élever à la considération de l'original qu'elle représente. Je dois cependant faire ici une réflexion, bien qu'elle se présente d'elle-même et assez naturellement, c'est que dans les figures, on ne doit pas, on ne peut pas même rechercher une parité, une ressemblance parfaite. Autrement il n'y aurait plus figure, mais identité, dit saint Thomas, Il suffit que la ressemblance existe dans les points sur lesquels la figure représente l'objet figuré, sans tenir compte du reste. Ainsi, par exemple, David représente le Messie, mais il ne le représente pas dans le péché qu'il a commis. De même, pour en venir à notre sujet, F figure Marie, mais elle ne la figure pas, sinon par opposition, dans sa désobéissance à Dieu. La chose est évidente et ne demande pas d'autre explication. Je n'ai certes pas la prétention de parler de toutes les figures qui ont pu annoncer Marie, je me bornerai au principal, à celles qui mènent droit au but que je me suis proposé. Elles paraîtront encore trop nombreuses à quelques-uns, mais elles ne le sont pas, comme aucune figure n'est capable à elle seule de représenter toutes les perfections de l'objet figuré, tant il est excellent. Nous devons bien en employer plusieurs. Dieu, dit saint Thomas, a produit dans cet univers des êtres d'espèces différentes, afin que les perfections divines fussent de mille manières représentées à notre faible vue, qui ne peut, durant le cours de cette vie mortelle, les contempler immédiatement. C'est ainsi que, proportion gardée, la divine sagesse en a agi par rapport aux figures qui devaient représenter Marie. Il en a choisi plusieurs, non seulement parmi les êtres vivants, mais même parmi les choses inanimées, et sans nous étendre davantage, c'est par celle-ci que nous allons commencer. Chapitre 1er. Figure de Marie tirée des êtres inanimés, paragraphe 1er, la lumière. La lumière fut le résultat du premier fiat sorti de la bouche du Tout-Puissant, c'est la créature qui, dès son apparition dans le monde, parut la plus belle et la plus pure. La lumière est sans doute une substance matérielle et sensible, mais parmi les êtres matériels, c'est celui qui se rapproche le plus des choses spirituelles. Elle est comme un milieu répandu entre le ciel et la terre, un lien qui unit ces deux parties si distantes l'une de l'autre. Elle jouit d'une extrême rapidité et parcourt en un instant des espaces infinis. Elle se répand sur tous les éléments, domine sur toutes les choses sensibles, sa présence réjouit, ranime tous les êtres vivants. Sa privation est ordinairement ce qui afflige le plus, hélas, disait le saint homme. Tobie, quelle joie puis-je avoir, moi qui suis toujours dans les ténèbres, et qui ne vois pas la lumière du ciel. Son retour, après une absence de quelque temps, réjouit les cœurs affligés. En être privé éternellement, c'est être éternellement malheureux. L'enfer même ne peut mieux se dépeindre que par mot de ténèbres. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, Matthieu 22, 13. Dans tous ses effets divers, la lumière est le symbole le plus propre à représenter Marie. Marie est la première parmi les créatures, Ecclésiastique 1, 4, comme s'exprime l'Église, appliquant à Marie les paroles de l'Ecclésiastique, elle est la première, non selon l'ordre des temps, ce qui dirait peu, mais la première dans l'ordre de dignité, et aux yeux de Dieu même. Ensuite, que Marie parut belle dès sa première apparition au milieu des créatures. Aussitôt qu'elle commença à se montrer, elle fut comme une brillante aurore qui se lève sur l'horizon, Cantique 6, 9. Dès lors on vit en elle le miroir sans tache, l'éclat de la lumière éternelle, Sagesse 7, 26. Elle fut créée pure, et sans mélange de ténèbres, Cantique 4, 7. Mais nous traiterons plus spécialement de ce privilège en parlant de sa conception immaculée. Marie est certainement un être créé, c'est une pure créature, mais comme la lumière, elle semble s'élever au-dessus des conditions de sa nature. Parmi les créatures, c'est celle, dit saint Thomas, qui approche le plus des perfections de la divinité, elle est ce nœud qui unit les choses les plus basses aux plus sublimes. Ima sumis, elle est ce canal par lequel les célestes influences se répandent sur la terre. Elle est d'une vélocité extrême dans sa course, auquel promptitude à nous secourir non seulement elle accourt partout où on l'appelle, mais elle prévient même nos désirs. Sagesse 6, 14, elle vient à notre rencontre, et se montre avec un aspect rayonnant de joie, pleine de sollicitude, et tout éclatante de lumière, Ibidem 6, 17. Que sa présence et sa protection répandent de consolation dans les âmes affligées. Une simple pensée, un retour vers elle suffisent pour chasser d'un cœur les nuages de tristesse qui l'enveloppent. Saint Bernard le savait par expérience, lui qui n'a pas de meilleur conseil à donner aux personnes accablées d'angoisse que de recourir à Marie et d'invoquer son saint nom. Ils le savent par expérience ceux qui ont su mettre à profit le conseil du saint docteur. Vous le savez bien, vous qui lisez ces lignes, dites-moi, combien de fois, lorsque vous vous trouviez oppressé par les peines et les chagrins, le seul nom de Marie ne vous a-t-il pas soulagé? Sachons donc à l'avenir profiter d'un moyen si efficace. Quelles inquiétudes ne produisent pas les ténèbres, la privation de la lumière? Ah, ils le savent bien ceux qui sont plongés dans le déplorable aveuglement de l'esprit. Croiriez-vous peut-être que parmi eux, il s'en trouve un seul qui soit content? Pour moi, je suis convaincu du contraire. Non, il n'y a point de paix pour l'impie, Isaïe 48, 22, ils l'avoueraient eux-mêmes, s'ils étaient sincères. Hélas, s'écrierait-il, la lumière de la justice n'a point lui pour nous, je suis dans les ténèbres et je ne vois pas la lumière céleste, Sagesse 5, 6, et Job 5, 12. Pauvre pécheur, que votre sort me touche. Mais pourquoi ne pas lever les yeux pour contempler la brillante lumière que Dieu a fait luire en votre faveur? Tournez-vous vers Marie, voilà la lumière qui peut vous éclairer, voilà celle qui peut dissiper les ténèbres qui obscurcissent vos yeux. Vous voulez attendre peut-être qu'en punition des ténèbres intérieures dans lesquelles vous aimez à demeurer, le juste juge qui vous attend patiemment jusqu'à présent, vous condamne aux ténèbres extérieures. Insensé que vous êtes, vous saurez alors, mais trop tard, ce que c'est que de rejeter la lumière quand elle se présente d'elle-même, vous connaîtrez ce que c'est que de haïr la lumière. Maintenant en haïssant Dieu, vous haïssez aussi la lumière, Jean 3, 20, je ne le sais que trop, mais alors vous la désirerez sans pouvoir l'obtenir. Mes chers frères, mon cœur se brise en pensant à votre malheur présent, mais bien plus encore en songeant au malheur éternel qui vous attend. Oh, si je pouvais vous ouvrir les yeux! Mais vous, ô Marie, brillante lumière du monde, aurore éclatante de la divinité, vous le pouvez, à vous rien n'est impossible, ce que Dieu peut par sa puissance, ô Vierge! Vous le pouvez par vos prières, si donc vous êtes la lumière, remplissez-en l'office, daignez éclairer ces infortunés, leur ouvrir les yeux, et leur faire voir la céleste lumière. Ah, faites-le, ma bonne mère, faites-le, je vous en prie, il vous fuit, mais vous savez bien les poursuivre, il se cache, mais vous savez bien découvrir leur retraite, ils vous haïssent, mais vous savez bien les aimer, ils refusent de paraître vos enfants, mais vous savez bien vous montrer leur mère. N'en avez-vous pas agi de la sorte envers moi? Ne vous fuyais-je pas, moi, tandis que vous me cherchiez? Vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé, vous m'avez éclairé, et, à votre lumière, mon cœur s'est réjoui, usé de la même miséricorde envers les autres. Je vous en conjure, Genèse 37, 16. Mon cher lecteur, je suppose que la Sainte Vierge a déjà éclairé votre esprit de sa lumière. Eh bien, dites-moi, à sa douce clarté, qu'avez-vous reconnu en vous? Ah, je vous entends, que je me reconnais différent de Marie. Dites-vous, elle est un miroir pur, sans tache et sans ombre, et en moi, hélas, que de souillure, que de ténèbres, que d'obscurité. Ma vie est l'opposé de celle de Marie. Mon frère, courage, vous reconnaissez votre bassesse, c'est déjà beaucoup, cela prouve que vous n'êtes pas plongé dans une entière obscurité, que la lumière commence à s'introduire dans votre esprit. Que vous reste-t-il à faire? C'est de recourir à Marie pour en recevoir non seulement la lumière, mais encore la chaleur, et une chaleur qui consume jusqu'au reste du péché que vous découvrez en vous. Ô tendre mère, nous nous adressons à vous, vous pouvez nous éclairer et nous réchauffer, vous pouvez nous obtenir non seulement la lumière qui nous apprenne à nous connaître, nous et nos devoirs, mais aussi la grâce qui nous aide à les remplir. Ah, puissions-nous être comme vous, purs et sans tache. Je le sais, cette faveur ne nous sera pas pleinement accordée, mais nous pourrons bien, avec votre secours, sinon égaler la blancheur éclatante et pure de votre âme, du moins limitée en quelque chose.